formation. Et as-tu, sais-tu des outils Veux-tu nouveaux? dire que je suis hypocrite? Non. Non. C'est juste que peut-être qu'on peut peut-être en savoir un petit peu plus. Y a-tu des, sais-tu, y a-tu une intention dans le sens de nous donner des outils nouveaux justement pour contrer le bouleversement du Verseau, si Alors, on. disons que... Est-ce qu'on m'entend bien, oui? Oui. Parce que de temps en temps, on m'entend trop. De temps en temps, on m'entend pas assez. Alors, disons que pendant 50 ou quelques 60 conférences que j'ai faites, mon rôle consistait surtout à préparer l'homme à un nouveau vocabulaire. Alors évidemment, on est des personnes qui sont nouvelles chaque semaine, qui viennent jeter une oreille ici et qui ont de la difficulté à s'adapter au vocabulaire. Maintenant, ça prend deux ou trois ou quatre conférences, puis le vocabulaire pénètre bien. Maintenant, on devait créer dans la psychologie astrale, disons, du Québec, une nouvelle forme de vocabulaire. On devait permettre aussi l'enregistrement de ce vocabulaire sur cassette, ce qui a été fait pendant 60 et quelques conférences, donc pendant 120 heures. Et tu dis justement que depuis 3 semaines, j'ai comme une nouvelle intention. Alors, depuis 3 semaines, j'avais déjà d'ailleurs expliqué que le Québec entrait dans une nouvelle forme d'énergie qui était sous-jacente depuis quelques 8 à 9 ans et qui présentement tentait et tendait à se matérialiser. Cette énergie, c'est celle de l'homme nouveau. C'est une énergie qui va amener sur la planète Terre une nouvelle forme de société, une nouvelle forme de gouvernement. On a déjà parlé de monarques, de grands monarques qui venaient de l'Orient. De l'Europe. Certains disent que le monarque vient du Québec. D'ailleurs, on va avoir une conférence prochainement avec Maurice Poulain qui va justement débattre le fait ici que le grand monarque vient du Québec. Du Québec, chose certaine, selon toutes les traditions, qu'elles soient indo-européennes, qu'elles soient soviétiques, qu'elles soient américaines, qu'elles soient québécoises, qu'elles soient traditionnelles grecques, égyptiennes, quelle que soit la tradition, c'est du Québec que va venir l'homme nouveau. Maintenant, ce n'est pas, on n'a pas à se rendre orgueilleux parce que c'est du Québec que cela va venir, parce que ce n'est pas un homme orgueilleux qui va naître dans cette phase nouvelle du Verseau et qui va être le premier homme nouveau. Présentement, on est dans une phase d'énergie où l'énergie supramentale qui tend à être attirée par le plan géologique tellurique du Québec descend, c'est-à-dire est de plus en plus captée par la phase québécoise, étant donné que dans l'astral, certaines personnes ont préparé le chemin, c'est-à-dire que par des conférences que moi et que deux autres personnes nous donnons, nous instruisons l'astral en même temps que le public, et ce qui servait de barrière, ce qui empêchait la chose nouvelle à se matérialiser, ce qui empêchait la transformation, le changement, dans l'astral est de plus en plus dilué parce qu'il est incrusté de nouvelles connaissances données non plus par les énergies astrales venant du haut, mais par l'homme qui, par exemple comme moi et comme les deux autres, qui enseigne et qui, disons, la remplissent par le bas. Alors, ce qui fait que ce filtre d'énergie astrale collective, ce filtre piscéen, donc relié à l'ère du poisson, relié à nos vieilles traditions, relié à nos vieilles constructions, relié à nos vieilles structures psychologiques, tend à être détruit lentement, c'est-à-dire à être transformé, à être alchimisé, à être transmuté en quelque chose de plus diaphane, de plus transparent. Ce qui permet donc une descente plus rapide et plus bénéfique pour l'ère du Verseau, de l'énergie supramentale, de l'énergie qui va amener à l'homme une nouvelle conscience. Alors donc, mes intentions présentement, donc depuis 3 semaines, comme tu le dis, sont des intentions qui se veulent de toute façon constructives, d'ailleurs qu'ils l'ont toujours été, mais j'ai présentement, disons, une de mes fonctions en tant qu'orateur, en tant que conférencier, c'est de continuer à instruire ce plan astral de cette conscience nouvelle de l'homme nouveau, et de faire en sorte que les personnes qui présentement évoluent dans une conscientisation au Québec soient de plus en plus ouvertes, premièrement, à de nouveaux points de vue, quel que soit le point de vue, mais à de nouveaux points de vue, et qu'ils soient avertis, instruits, qu'un jour ils sauront sans expérimenter, qu'ils sauront sans lire. Ils auront une mémoire expérientielle, la mémoire de leur vie, donc ils garderont la conscience d'eux-mêmes, mais ils seront capables, sans avoir peur, et c'est le problème, l'un des bouleversements du Verseau, c'est que l'homme n'est pas capable, il va avoir de la difficulté à assumer le fait qu'il est capable de connaître, c'est-à-dire de savoir sans expérimenter. Alors l'homme va se poser une question et l'homme va se répondre et l'homme va savoir en même temps qu'il se répond que ce qu'il dit est authentique. Ce n'est pas coloré et il n'aura pas besoin de se dire est-ce que ça a déjà été dit ou il n'aura pas besoin de parler en disant un tel a déjà dit ça, un tel a déjà dit ça, il pourra parler de par lui-même, sachant que ce qu'il dit est authentique. Et lorsque je parle authentique, je ne veux pas dire que ce que l'homme va dire est vrai. Parce que la vérité, c'est un mensonge. La vérité, c'est l'antipode du mensonge et c'est une farce. C'est une interprétation de réalité qui, par rapport à l'homme, permet à cet homme-là qui a la vérité de dire que le reste est mensonge. Maintenant, la vérité, tu la retrouves chez chaque être humain et chaque être humain retrouve donc le mensonge chez ceux qui ont une autre vérité. Ce n'est pas la vérité. L'homme parlera d'une façon authentique. C'est-à-dire que ce qui va sortir de l'homme ne sera pas ni déformé, ni coloré, il se sera pur. Est-ce que ce sera compris? Ça n'a aucune importance. Donc, cela peut paraître un mensonge pour les autres. Mais ce n'est pas important. L'homme n'aura pas besoin que les autres accréditent ce qu'il va dire. Maintenant, l'homme va devenir intelligent, donc conséquentiel, donc l'homme va finir par, même s'il a ce savoir instantané, il va être capable d'être écologique, c'est-à-dire qu'il va faire attention à ce qu'il dit pour ne pas créer un remous karmique qui pourrait revenir sur lui. Donc, il ne frustrera pas la population et il ne brisera pas des formes d'une façon dangereuse, de façon à créer des guerres, de façon à créer des meurtres, de façon à créer des assassinats. L'homme nouveau va faire attention. Mais présentement, disons, ce que moi je veux faire, c'est que ce que j'ai à faire, et cela s'en vient de plus en plus, parce qu'à l'instant où je commence cette nouvelle fonction, celle d'énergiser, certains pourraient dire celle de créer l'homme nouveau dans la conscience astrale du Québec. C'est vrai. Mais je ne crée pas l'homme nouveau dans la matière humaine. Ça, c'est à l'homme de le faire. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est créer l'homme nouveau dans la conscience astrale du Québec? Certains peuvent dire « je me prends pour un autre ». Celui qui crée une mode, qu'est-ce qu'il fait? Il crée quelque chose de nouveau dans la conscience astrale d'une collectivité. Il se prend pas pour un autre, il le fait. Et les êtres humains vont accréditer cette mode et on va donc se peindre les cheveux en bleu ou on va aborder des signes, peace and love, qu'un militaire va sortir, un militaire anglais, ou on va faire certaines choses. Donc, on peut effectivement créer du neuf dans l'astral, à la condition qu'on ait une puissance mentale suffisante pour ne pas être coloré par l'astral et pour colorer l'astral à la place. Et c'est une de mes fonctions. Maintenant, pour que cela se fasse, c'est-à-dire pour que cet homme nouveau apparaisse, il doit y avoir une fusion de la conscience collective sociale, mais une séparation de la conscience individuelle de la conscience collective. C'est-à-dire que l'homme doit arriver à penser de par lui-même. Donc, l'homme doit savoir de par lui-même ce qui est vrai pour lui, ce qui est faux. Et un jour, il saura de par lui-même ce qui est authentique, ni vrai ni faux, mais ce qui est authentique. Lorsque tu vois, par exemple, un mirage dans le désert, c'est authentique. Est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est une réalité? L'homme va dire c'est une illusion parce que la ville que je vois n'est pas là. C'est pas une illusion, tu peux le photographier. Mais ce n'est pas une réalité telle que ta psychologie la conçoit. Donc, pour ta psychologie, c'est une illusion, alors que scientifiquement, matériellement, c'est une réalité sous une forme différente de ce que la psychologie voudrait voir. C'est-à-dire que c'est la réflexion par la lumière avec une forme de condensation quelque part d'une image réelle vivant ailleurs, d'une ville ou d'un chameau. Souvent, c'est du coke qu'on voit quand on voit des mirages dans le désert, il paraît. J'ai appris ça quand j'étais jeune dans une publicité, la remarque. Alors, ce qui fait que qu'est-ce qui est réel, c'est ce qui est authentique. Mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, ça, ce n'est pas important. L'homme nouveau, celui qui tend à se développer au Québec, surtout, présentement, on a du monde qui, viennent presque envahir le Québec parce que l'énergie qui les habite, l'énergie qui les motive, l'énergie qui sous-tend leur conscientisation, elle les attire ici. Donc, réellement, au Québec, il y a de quoi qui se passe. Et ce n'est pas parce que je suis Québécois que je le dis. J'aurais pu être Français. D'ailleurs, on a des Français qui le disent. J'aurais pu être Égyptien. On a des Égyptiens qui le disent. J'aurais pu être n'importe quelle nationalité. Cela est évident pour différentes raisons sur lesquelles on a déjà, disons, parlé longtemps dans d'autres conférences. Qu'est-ce que le bouleversement du Verseau? Pourquoi moi je tiens à en parler? Disons que la majorité des conférences que je fais, c'est soit pour mettre en garde quelque chose, alors j'instruis non pas seulement, disons, le public qui est ici, j'instruis en même temps le public qui va écouter les conférences par après sur cassette, et en même temps, j'instruis aussi le domaine de l'astral. Pour ceux qui ne peuvent pas saisir encore, parce que les termes, la terminologie est nouvelle, comment on peut instruire le domaine de l'astral? À quoi ça sert d'instruire l'astral? Après 2, 3, 4 conférences, cela va devenir clair. Alors, ce qui fait que je ne veux pas trop m'appuyer là-dessus, étant donné qu'on a plusieurs personnes qui le savent déjà. Le bouleversement du Verseau, c'est quoi? On peut dire qu'il va y avoir plusieurs bouleversements. On a une personne qui, jadis, a écrit « Le choc du futur ». Le choc du futur, c'était le choc de l'homme psychologique par rapport à une science technologique qui viendrait un jour peut-être transformer ses possibilités d'expression ou de vision du monde extérieur. Alors donc, l'homme sait que la Terre est ronde, que le Soleil ne tourne plus autour de la Terre, mais que la Terre tourne autour du Soleil, et c'est tout. Mais un jour, la science du futur va déposer des hommes sur la Lune. Et on va revenir avec peut-être des bactéries sur les roches, donc une vie lunaire. Peut-être non. On va envoyer des satellites avec gravé sur leur carapace un homme, une femme, le système solaire avec une flèche indiquant la planète Terre, donc pour indiquer à des quelconques extraterrestres que ce vaisseau a été largué de la troisième planète du système solaire, de la planète Terre. Donc, la science envisage la probabilité qu'il y ait des intelligences extérieures. Et ça, c'est la NASA qui a envoyé ce satellite vers Vénus, d'ailleurs, avec ces choses gravées. Mais la psychologie qui ne peut pas envisager de nouveaux points de vue va donc frapper, elle va vivre ce choc du futur. Ou un jour, tu pèses sur un bouton et ta télévision s'allume, elle est en couleur, et à l'époque, tu avais une télévision noir et blanc qui avait de la misère à annoncer le beurre de Peanut Craft, tu sais. Bon. Alors, ce qui fait que ce choc du futur est important parce que tu as un cancer qu'une radiation te guérit. Tu n'as pas de cancer, la radiation t'en donne. Bon, alors tu as une science technologique qui te permet de voyager d'un continent à l'autre à une vitesse effarante. À l'époque, tu te promènes à cheval, ou on vient d'inventer l'automobile qui fait le 30 000 à l'heure vitesse effarante, qui donne mal au cœur à ceux qui embarquent à l'intérieur. Et aujourd'hui, comme je disais dernièrement, tu peux partir de Chicoutimi en avion vaudou. Les avions, d'ailleurs, c'est même pas un avion rapide. Et en 15 minutes, t'atterris à la base de Saint-Hubert à Montréal. Alors, ce qui fait que ce choc du futur, on le vit bien dans les pays industrialisés. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un choc beaucoup plus pénible à vivre pour l'homme moderne que le choc technologique. Parce que la technologie, elle suit à l'éducation l'évolution de l'homme et l'évolution d'elle-même, de la technologie. Donc, on enseigne. On a des micro-ordinateurs dans les écoles. On a plusieurs choses. Ça suit. C'est pas trop pire. Le choc du Verseau, c'est quoi? C'est une phase matérielle, psychologique, vitale, mentale, où l'homme va verser dans une ère nouvelle. Il y aura évidemment une période de stagnation, de refus de l'ère du Verseau, une période de transition, et c'est là que les bouleversements vont se faire le plus sentir, et une période d'acceptation. Et il se trouve que c'est la même démarche que va vivre une personne qui est condamnée à mourir. Alors, une personne qui va mourir parce qu'elle est malade, parce qu'elle est âgée, parce qu'elle est condamnée à mort par un système pénal, va vivre ce genre de phase. Et c'est ce qui va se passer pour l'ère piscéen, l'ère du poisson, vers l'ère aquarien, l'ère du Verseau. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est que cette phase de transition que l'homme refuse encore présentement? L'homme envisage cette ère du Verseau, mais l'homme n'envisage pas de le créer. L'homme envisage de vivre dans l'ère du Verseau, mais l'homme n'envisage pas d'y aller. L'homme envisage un air du Verseau pacifique, mais l'homme ne fait rien pour pacifier l'air du poisson. Et cet air du Verseau, elle n'apparaîtra pas sans l'homme. Et cet air du poisson va disparaître. Et il va disparaître entraînant avec lui tous les hommes qui vont rester attachés à l'air du poisson, donc les hommes qui vont refuser de mourir. Ceux-là vont tous perdre la vie. Et ceux qui vont accepter de mourir, dernièrement, on a eu une conférence qui expliquait suffisamment bien ce processus, soif de naître, peur de mourir. Les personnes qui vont accepter de mourir pour renaître dans l'ère du Verseau, ce sont des personnes qui déjà, il y en a déjà ici. Prenons un exemple de qu'est-ce que cela peut donner le bouleversement du Verseau. Le summum du bouleversement du Verseau, c'est l'apocalypse planétaire. Et cet apocalypse matériel et psychologique, parce que lorsque la matière est détruite, la psychologie en souffre, donc la psychologie se transforme, va apparaître seulement et seulement si l'homme refuse de mourir pour renaître dans une société nouvelle, dans un cadre nouveau d'évolution, dans un cadre typique des énergies du Verseau. C'est-à-dire que dernièrement, on annonçait aux nouvelles que certaines personnes étaient offusquées que la rue Saint-Laurent se voit modernisée à Montréal, parce qu'elle perdait son cachet antique. Eh bien, le cachet antique, il doit disparaître. Tout ce qui tend à garder de la nostalgie dans la psychologie de l'homme par rapport à la transformation doit disparaître. Parce que l'homme qui est suffisamment fort pour ne pas être nostalgique n'a plus besoin de la statue. Il n'a plus besoin des ruines d'une maison brûlée qui datait de 300 ans, histoire de se dire qu'elle a déjà existé. Il n'a plus besoin de cadre pour, sur lequel il pourra appuyer sa nostalgie. Parce que c'est un homme du Verseau. C'est un homme prêt à être un homme nouveau. Une femme nouvelle, évidemment, aussi. Ça va de soi. Par contre, tous ceux qui ont besoin de musées, autres que pour l'éducation, tous ceux qui ont besoin d'endroits où ils peuvent revivre leur jeunesse, d'endroits où ils peuvent revivre la jeunesse de leur famille, d'endroits où ils peuvent revivre la jeunesse de leur nation. Tous ceux qui ont besoin de ces cadres sont des hommes, des femmes, des enfants, attachés à l'ère du poisson, qui se refusent de connaître l'ère nouvelle. Et ça, c'est un choc énorme, parce que si l'homme, et évidemment, ce que je dis présentement peut paraître, pourrait être interprété d'une façon assez guerrière, destructrice. Je ne suis pas un destructeur, je suis un créateur. Mais une chose qui est importante, c'est qu'on ne peut créer du neuf sur du vieux. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Lorsque l'on construit une nouvelle édifice, quelque part où un édifice a brûlé, où il est en train de tomber tout seul, bien on le démolit. Et on ne laisse pas les ruines à terre, on les ôte. On les brûle, on les détruit et on rebâtit quelque chose de neuf. Alors, l'homme qui va s'évertuer à vouloir conserver dans le passé ses lignées psychologiques est un homme qui se refuse de naître dans l'ère du Verseau. Et il va vivre un bouleversement apocalyptique parce que il ne peut pas, il ne veut pas vivre avec le neuf. Et la personne qui décide de garder son vieux linge et qui décide d'en acheter du neuf, elle sera toujours prise entre deux feux. Qu'est-ce que je mets ce soir? Alors, je mets le vieux, je mets le neuf. Et si elle garde le vieux, de temps en temps, elle mettra le vieux. Et si dehors, tout le monde a du neuf tout le temps, elle sera vieux jeu, elle souffrira dans sa psychologie et elle devra, par ce bouleversement, apprendre à se transformer. Alors, soit que tout le monde garde le vieux linge ou que tout le monde change. Présentement, on a des énergies qui tendent à forcer certaines personnes à changer. Donc, ça change. Et on a des énergies qui tendent à forcer l'homme à rester stagnant. Mais l'homme qui est stagnant est un homme relié à la psychologie astrale, donc à l'ère du poisson. Et cet homme qui est stagnant n'est pas un être intelligent en ce sens qu'il n'a pas de savoir instantané, qu'il n'est pas conséquentiel dans ses actes, donc il ne connaît pas les conséquences à long terme de ce qu'il fait. Ce qui fait qu'automatiquement, quel que soit ce qu'il fait, il s'évertue à détruire. Et il s'évertue, et c'est l'apanage de la psychologie humaine, à s'ennuyer lorsqu'il n'y a pas suffisamment de transformation dans sa vie. Cela devient plate. Donc, veut pas, même l'homme du poisson, tend à évoluer, tend à améliorer, tend à transformer, tend à créer. Alors, ce qui fait que veut pas que l'homme du poisson reste piscéen, que l'homme du Verseau devienne aquarien, l'humanité évolue, elle s'améliore au plan de la technologie, ce qui, un jour, devra permettre à l'homme d'assumer sa victoire sur la matière. Et ça, c'est notre problème. Présentement, la technologie, elle permet à l'homme de se libérer des contraintes matérielles. Mais elle a permis, en même temps, dans la psychologie de l'homme, de voir apparaître la luxure. C'est-à-dire que vous avez une automobile et que vous vous en servez pour faire des longues distances, mais que vous n'êtes pas capable de vous en passer pour faire de courtes distances. Donc, ce que la technologie permet à l'homme pour libérer l'homme des problèmes matériels, elle le reprend sur l'assujettissement qu'elle va donner à la psychologie de l'homme, elle rend l'homme paresseux. Dans l'ère du Verseau, cette science technologique du Verseau, donc de l'homme nouveau, cette science nouvelle, qui, c'est la même science que nous connaissons aujourd'hui, mais elle sera abordée par un être mental au lieu d'être abordée par un être psychologique, elle libérera réellement l'homme des contraintes matérielles sans assujettir l'homme à cette libération. Ça, c'est important. Présentement, qu'est-ce que l'homme doit faire? L'homme du Verseau est un être marginal. Et il n'y a, et observez, toutes les sociétés du monde, il n'y a que les marginaux qui font avancer une société. Parce que les hommes normaux ne font rien. Ils suivent les marginaux. Alors, pendant un certain temps, ils attaquent le marginal, et lorsque le marginal commence à avoir du crédit, alors ils suivent le marginal. Alors donc, il n'y a que les marginaux, qu'ils soient fous ou qu'ils soient géniaux. Il n'y a que les marginaux qui qui font progresser une société. Et l'homme diversé est un homme marginal. Évidemment, les marginaux ont aussi démoli des sociétés, mais ça, c'est autre chose. Mais une chose qui est importante, c'est que l'homme normal ne fait rien. Il suit. Il est assujetti à la conscience évolutive collective et il n'est pas lui-même. Il est tout le monde. Alors, nous avons inventé, nous avons fait telle chose, je n'existe pas, c'est nous. Le Québec, le Canada, l'Amérique, mais pas toi. Toi, tu n'es rien là-dedans. Alors, l'homme marginal, l'homme du Verseau, se voit automatiquement individualisé par rapport à la conscience collective, mais il saura, parce qu'il sera intelligent, il saura travailler en collaboration avec la conscience collective. Donc, il ne forcera pas, ce ne sera pas un dictateur, ce ne sera pas un tyran. Ce ne sera pas un monarque qui s'impose. Par contre, il ne sera pas non plus une personne à se cacher. Le bouleversement du Verseau va se faire de cette façon. Lentement, progressivement, mais de plus en plus rapidement, toute la vieille technocratie, toute la vieille diplomatie, toute la vieille technologie, toutes nos vieilles constructions, tout ce qui présentement recouvre notre continent industrialisé, tout ce qui recouvre le Québec pour commencer, va lentement tendre à disparaître. Et il devra disparaître. Et tout ce qui est archaïque, tout ce qui est pisséen va disparaître de la surface de la planète. Et je ne dis pas ça, comme je répète que je ne le dis pas en voulant dire que nous devons le détruire. Nous devons le détruire. Mais nous ne devons pas le détruire en posant des bombes. La bombe est typiquement reliée à la psychologie de l'ère du poisson. L'homme n'est pas suffisamment intelligent, peut-être, pour comprendre un point de vue. Celui qui pose des bombes n'a pas l'intelligence pour leur faire comprendre le point de vue. Alors, émotivement, il tient à ce qu'on comprenne le point de vue, il place une bombe, ça saute. Ça mène à rien. Alors donc, ce n'est pas de cette façon que nous devons détruire. Nous devons détruire de quelle façon? Comme ceci. Présentement, on a plein de climatiseurs dans la majorité des maisons. Certaines familles n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre les mécanismes qui permettent à l'homme de s'enrichir. Bon, cela va de soi. OK. On a une forme d'art plastique nouveau. On a des matériaux nouveaux. On a des automobiles qui tendent à avancer, à évoluer. On a une science qui avance. Mais le problème, c'est que l'homme refuse, parce que l'homme a peur, de faire en sorte que cette science pénètre réellement dans sa vie pour le libérer des contraintes matérielles, parce que l'homme se connaît suffisamment bien, du moins, pour savoir que si une chose vient alléger son fardeau matériel, il va s'y attacher. Il en aura besoin à jamais. C'est pour ça que l'homme a peur de l'ordinateur, que l'homme a peur de la matière. Pas parce que l'ordinateur va raisonner supérieurement à l'homme. Pas parce que l'ordinateur, un jour, va dominer la planète Terre. Ça, c'est des farces. C'est des illusions. C'est des imbéciles qui ont créé des choses comme ça. L'ordinateur ne manipulera jamais la planète Terre. À moins que l'homme soit suffisamment imbécile pour mettre des canons, des bombes dans l'ordinateur. Et puis même là, un jour, il y aura une panne d'électricité suffisamment grande, puis l'ordinateur va s'étouffer comme tout le monde. C'est pas ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est que la science permet à l'homme de devenir un être humain qui, après quelques 40 ans, va peser 800 livres, ne pourra plus se lever de sa chaise, aura une chaise flottante, aura des trucs après lui pour l'alléger un peu pour qu'il puisse marcher, parce que l'homme sera devenu une loque humaine. C'est ça le problème. Là, on a peur du nouveau. Mais on a peur du nouveau parce qu'on conçoit l'homme nouveau à partir de l'homme présent, de l'homme moderne, de l'homme du poisson, un homme paresseux, un homme qui se fait facilement assujettir, un homme qui se plaît d'être esclave de tout ce qu'il crée. Alors que l'homme crée des égrégores dans l'astral, que l'homme crée des diables, des satans, des démons, l'homme en a peur. Que l'homme crée une magie qui s'appelle le vaudou, que l'homme crée une sorcellerie noire, que l'homme crée des possessions, et l'homme en a peur. Parce que celui qui possède quelqu'un a peur que ça lui revienne dessus, et celui qui se sent possédé, c'est parce qu'il a accepté cette possession. Il a accepté de créer dans sa psychologie, ce que nous appelons l'astral dans l'ésotérisme, des mécanismes, des formes, des égrégores, des formes pensées, des animalités, des démons, qui peuvent le posséder. Et l'homme se complaît, même s'il veut s'en sortir, de rester possédé. L'homme invente la cigarette et l'homme est pogné avec la cigarette. L'homme invente la paresse, parce que tout ce qui est matériel présentement amène la femme à cuisiner moins, amène les parents à ne plus éduquer les enfants, amène l'homme à ne plus marcher, à ne plus courir. Il y a eu un temps où l'homme marchait, l'homme montait, l'homme grimpait, l'homme travaillait suffisamment, ou l'homme s'amusait suffisamment, pour ne pas avoir à s'astreindre à faire 2 heures de jogging tous les jours, ou tous les semaines. L'homme est rendu suffisamment abruti, dans son vécu qu'il doit s'imposer un conditionnement physique parce que la vie qu'il mène ne lui en donne pas. Et ça, c'est typiquement lycéen, c'est-à-dire qu'on conçoit un monde qui vient alléger le fardeau physique en pensant que ça va alléger le travail de l'homme. Le travail de l'homme, c'est de créer. Et ce travail, jamais il ne sera remplacé par une machine. Mais l'homme s'imagine qu'il doit travailler pour ramasser de l'argent, pour s'acheter une libération. Il gagne sa vie. Il ne mérite pas de vivre. Mais pour la société, il mérite de vivre. Alors cet homme, qui va passer dans l'ère du Verseau, va devoir abandonner tout ce qui a d'antique et chez lui, et dans sa psychologie, et dans la matière. Et ça, ça va créer un bouleversement qui est annoncé par nos prophètes, par Michel de Nostradamus, qui est annoncé par Saint Jean de Patmos, qui est annoncé par plusieurs, et qui plaît à l'homme. L'homme se plaît de parler d'Apocalypse. Et cet Apocalypse, c'est le bouleversement du Verseau. C'est ce qui doit mourir parce que cela ne doit plus être, pour laisser être ce qui doit être. Mais c'est pas nécessaire qu'on se détruise par la guerre. Mais c'est nécessaire que ces choses partent. Et si l'homme devient suffisamment mental, si l'homme devient suffisamment intelligent, conséquentiel, écologique, pour créer cette nouvelle société, pour créer dans sa psychologie cette nouvelle famille, pour commencer à entrevoir le nouveau, cesser d'être nostalgique et de passer son temps à se retourner en arrière et de dire « Est-ce que je fais bien de quitter ça? » Je le sais pas. Ce qui est en arrière, c'est mort. Et c'est jamais pareil. Et ça tend à pourrir l'homme. Et l'homme ne doit pas regarder en arrière, sauf pour voir l'expérience. Peut-être. Mais pas regarder en arrière avec sa mémoire psychologique, avec sa mémoire mentale. Une mémoire non colorée qui sera capable de lui faire voir l'expérience telle qu'il est, sans que celui-ci soit assujetti, coloré, empaqueté dans l'expérience émotive qui a été vécue par l'homme lorsqu'il a vécu cette expérience. Là, il n'y a pas de danger. Mais lorsque l'homme surtout retourne en arrière et que lorsque l'homme se dit « Ouais, mais c'était le fun. Je devrais peut-être m'acheter un autre chien. J'en avais un dans mon dernier appartement, puis il s'est fait tuer. Puis là, je m'ennuie. » L'homme s'achète un autre chien, ce ne sera pas pareil, ça peut être pareil. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que notre bonhomme ne sortira pas trop. Notre bonhomme va avoir ses trous psychologiques remplis par son animal. Ce n'est pas mauvais. À la condition qu'il fasse d'autres choses que de se faire remplir les trous par son animal. L'homme qui s'évertue à refuser la technologie, l'homme qui s'évertue à ne pas penser qu'il mérite cette technologie, est un être qui va souffrir royalement ce bouleversement du Verseau. Parce que ça s'en vient. On parle de guerre des étoiles. On refuse, les Soviétiques refusent en tout cas, que les Américains se prêtent à ce genre de découverte. On voit des films. Présentement, il y a dans l'énergie supramentale américaine, parce que c'est surtout aux États-Unis que cela se développe, et principalement au Québec, on a des films qui tendent à préparer l'homme à cette ère du Verseau, mais en gardant les caractères du poisson à l'intérieur de ces films. Alors, on a des films comme la trilogie de la guerre des étoiles, comme plusieurs autres films, et on a certains romans qui ont été d'ailleurs totalement manqués en film, mais qui sont très bons en livre, qui tendent à instruire l'homme. Ce sont des histoires qui marchent parce que l'homme, au fin fond de lui, a cette énergie du Verseau. Mais par-dessus tout ça, il y a l'énergie du poisson qui fait que l'homme refuse. Alors l'homme va donc se refuser, à un moment donné, de prendre une vieille bâtisse, de prendre quelque chose qui ne va plus avec la psychologie contemporaine, qui ne va plus avec l'éducation contemporaine, qui ne va plus avec la science, qui ne va plus avec rien. Et l'homme se refuse de le démolir sous prétexte que c'est l'héritage de nos ancêtres. Mais nos ancêtres, ils vont revenir dans le futur, puis nos ancêtres, s'ils ne reviennent pas, sont plus là de toute manière. Nos ancêtres n'ont rien à foutre avec ces vieux ponts qu'ils ont construits, puis avec ces choses. Au niveau de l'éducation, cela peut être bon de garder dans certains endroits des mécanismes du passé. Au niveau de l'éducation. Pas au niveau de l'éducation psychologique, au niveau de l'éducation technologique, scientifique, pour que l'enfant, pour que l'homme puisse connaître les mécanismes qui ont régi l'évolution de l'humanité. Donc, les mécanismes écologiques qui ont régi l'évolution de l'humanité. On ne doit pas oublier le passé d'une façon mentale. Par contre, le fait de vouloir conserver. Sachez présentement que l'Europe est un pays qui souffre. L'Europe est entourée. D'un côté, il est pris au piège par l'Union soviétique, et de l'autre côté, il est pris au piège par les Arabes. Par le terrorisme international et par toutes ces choses-là. C'est un pays qui est en train, c'est un continent qui est en train lentement de s'enfoncer. Sous l'eau, pas nécessairement. Sous l'astral totalement, sous les bombes, sous tout ça. C'est un pays qui s'en va. Et on a, dernièrement, on a une personne qui nous disait, et il a vérifié lui-même, il a rencontré des personnes, on a en Europe quelques aéroports qui sont, sur lesquels, sur certaines pistes, on a des Boeing, des 747, de gros Boeing, tournent 24 heures sur 24, il n'y a personne à bord. Il y a un pilote, un copilote, il y a tout ce qu'il faut qui sont là 24 heures sur 24, sont relayés, et ils sont payés mensuellement par de riches Européens qui les louent pour que lorsqu'ils vont devoir sacrer le camp, qu'ils n'aient pas à réserver de place, ces avions. Et ces avions tournent en Allemagne, en Angleterre, en France, en Espagne et ailleurs. Et ces personnes, lorsqu'ils vont sentir énergétiquement que là, c'est le temps qu'il faut sacrer son camp parce que l'Europe n'y en restera plus, ces avions sont prêts à décoller pour l'Amérique. Ces choses sont réelles. Et ce ne sont pas des personnes qui sont idiotes. Ce ne sont pas des philosophies ésotériques, apocalyptiques de personnes aliénées. Ils le savent, ils vivent là, ils le vivent, ils le sentent. Et ça se sait. N'importe quelle personne, le moindrement féru de connaissances politiques qui va faire un tour en Europe revient à ça, hein, et il le sait. Il le sait. Le bouleversement va se faire, et si ce n'est pas l'homme mental qui le fait parce qu'il transforme la matière, ça va se faire par l'homme du poisson qui va le faire parce qu'il va détruire sa matière. Et quel que soit ce qui va se passer, je ne vous prédis pas un apocalypse, on l'a prédit suffisamment à ma place, mais je peux vous assurer qu'il y aura et que l'homme vivra un bouleversement majeur, bouleversement vers le verso, cette phase de transition. Et à quoi ça sert que, par exemple, vous soyez au courant et que moi je vous en parle? Si le reste de l'humanité l'ignore. L'apocalypse planétaire va se passer dans les régions où il n'y a pas de contingent du Verseau, de contingent d'hommes nouveaux, de contingent mental, pour pouvoir permettre la transition. C'est-à-dire que si l'Inde a à disparaître, il va disparaître sous ses propres cadavres, comme d'ailleurs il est en train de le faire, parce qu'il n'est pas capable d'abandonner ses fichues traditions. Ces vieilles doctrines, ces vieilles religions, ces vieilles choses, qui ont été extrêmement salutaires pour l'humanité, indienne, de la race aryenne entre autres, et qui ont été extrêmement bonnes, mais qui présentement emprisonnent l'homme parce qu'elle empêche l'homme de passer à un autre palier. Et partout où l'homme va s'évertuer à conserver des vieilles doctrines, des vieilles traditions, des vieux enseignements, que ce soit des traditions ésotériques ou que ce soit n'importe quoi, il s'évertue à s'étouffer, à se pendre lui-même avec ses doctrines, parce que l'homme doit éveiller sa conscience à quelque chose de neuf. L'homme doit cesser de croire, l'homme doit commencer à comprendre ce qui se passe. Et lorsque l'homme va comprendre ce qui se passe, il va développer le mental suffisamment puissamment chez lui, et l'homme va finir à atteindre ce savoir instantané. Savoir instantané dont je parle de temps en temps, et dont d'autres conférenciers parlent, et qui n'est pas compris par personne, qui n'est pas crédible par personne. Eh bien, tant mieux. Le savoir instantané, qu'est-ce que c'est? La conscience supramentale, qu'est-ce que c'est? Le savoir instantané, c'est lorsque l'homme, immédiatement, selon son cadre d'expérience physique ou psychologique, a ce qu'il faut pour être 100% totalement efficace dans son action par rapport à sa vie. Cela veut dire que lorsque quelque chose arrive devant moi, et c'est la première fois que je le vois, je sais ce que c'est. Je sais comment m'y prendre avec. Je sais tout ce qui regarde la chose de façon à me permettre d'être efficace. Et lorsque l'événement est passé, je ne mémorise pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, je n'ai pas besoin de le mémoriser, je m'en fous. Je suis authentiquement vivant parce qu'il y a toujours du neuf devant moi. Jamais de vieux avec moi. Et ce savoir instantané, il n'est pas perceptible par l'homme du poisson parce que l'homme du poisson sait qu'il existe à partir de son expérience mémorielle. L'homme du poisson a un bagage en arrière de lui et par rapport à ce bagage, il se perçoit. J'ai déjà dit que l'homme se disait « J'ai été, donc je suis ». Et dans le GT, il y a la mémoire. Dans la mémoire permet à l'homme de penser. Je pense en français parce que j'ai appris le français. Je pense à un cheval parce que je connais le cheval. Donc, j'ai été où je pense, donc je suis. Mais en réalité, l'homme qui pense n'est pas. Il a été. Et l'homme qui s'évertue à s'imaginer qu'il est parce qu'il a été est un peu à côté de la traque. Il est dans cette ère du poisson, cette ère de tradition, cette ère du passé qui refuse évidemment la possibilité au savoir instantané d'être vécu par l'homme. Parce que l'homme ne se met pas dans le présent, l'homme se met un iota dans le passé. Donc, le savoir instantané passe en avant et l'homme ne le connaît pas. L'homme le connaît de temps en temps. L'homme, de temps en temps, oublie qu'il existe. Les artistes font ça souvent. Mais les artistes sont beaucoup plus reliés au plan astral qu'au plan supramental. L'homme oublie qu'il existe, tout d'un coup, il a un flash. Il a une idée géniale. Est-ce qu'il a réfléchi à cette idée-là? Non. Mais c'est génial. Là, maintenant, il se pose, il ne demande pas d'où ça vient. C'est pas important d'où ça vient de lui. Il a capté cette énergie parce qu'il était dans un état pour la capter, et maintenant, il tripe dessus. Alors là, il n'est plus dans un état pour capter quoi que ce soit. Il tripe sur l'expérience qu'il a vécue, donc il est encore une fois mémoriel, même s'il appelle cela le moment présent. L'homme, tous les hommes de la planète vivent, peuvent vivre cet instant de contact supramental. Antiquement, on l'appelait illumination, on l'appelait contact avec Dieu lorsque l'énergie supramentale pénétrait l'homme. Ce pouvait être un contact avec le plan de l'astral, et là, évidemment, l'homme était manipulé par un dieu sauvage. Et lorsque l'homme entrait en contact avec l'énergie supramentale, l'homme avait ce que les apôtres ont eu, cette connaissance avec l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, soit dit en passant, c'est une forme très ésotérique pour parler d'un Esprit Saint. Saint-Esprit, celui qui est saint d'esprit, mais c'est aussi un esprit saint, c'est-à-dire que c'est un esprit intelligent, c'est un savoir instantané, c'est un savoir authentique. Saint parce que non coloré, non pollué, par les mémoires expérientielles de l'astral, de la psychologie humaine. Et cette conscience nouvelle, elle va faire partie évidemment de ce choc du Verseau. Parce qu'un jour, on aura des savants qui diront « Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire? » Et on aura un petit cave qui va passer par là et qui va lui dire « Ben, c'est simple, fais ça, ça, ça, ça, ça. » Le savant va tomber sur le derrière, il va dire « Ben, je ne sais pas c'est qui, mais pour l'instant, je le fais parce que c'est évident, c'est ça qu'il faut que je fasse. » Et après, il va dire « Ce gars-là, il est dangereux, il faut le détruire. » C'est évident que quelqu'un qui sait tout, il faut le détruire. Pourquoi? Parce qu'on s'imagine que celui qui sait tout s'évertue à pénétrer les âmes des personnes une après l'autre pour aller voir ce qui se passe dans le culotte. Mais ça se fait pas. L'homme qui est intelligent se fout royalement de ces choses-là. Il vit sa vie dans le moment présent. Il ne vit pas une vie psychologique exclusivement. Il vit une vie sous tous les plans de relation. Le plan matériel par son corps physique. Le plan vital par sa vie. Le plan psychologique ou astral par sa relation psychologique avec l'astral collectif. Et le plan mental avec le mental de sa propre vie. Il est dans son intelligence. Il n'est pas dans l'intelligence de la collectivité. Il n'est pas dans l'intelligence de sa nation. Il n'est pas au service de personne. N'étant pas au service de personne, il est à son service à lui. C'est le plus égoïste qu'il n'y a pas, sauf que lui est aussi égoïste que tout le monde. Lui il va le savoir, c'est une grosse différence. Et parce qu'il connaît l'écologie sociétaire, parce qu'il connaît l'écologie du plan d'évolution, parce que lorsque l'homme est intelligent, il se rend bien compte que seul, il ne peut pas rien faire. Il va donc faire en sorte de travailler dans un plan social, dans une société, de façon à ce que la société puisse être suffisamment intelligente, évoluer, pour lui permettre d'être libre. Et évidemment, ça va permettre à tout le monde d'être libre. De ce fait, l'homme est au service des autres. Pas parce qu'il y a une conscience psychologique qui le culpabilise, il ne sert pas. Parce qu'il vient de découvrir une raison intelligente de faire quelque chose pour les autres. Et lorsqu'on a une raison intelligente de faire quelque chose, n'importe quoi, ça marche. Vous avez une raison intelligente d'être en santé, ça va marcher. Ah, mais je vais être en santé parce que ça me plairait, parce que je pourrais, parce que... Non, ça, c'est des raisons psychologiques, ça marche pas. Ah, vous devez en avoir un maudit paquet, puis les énergiser longtemps en tabarnouche, puis faire bien des choses au niveau de l'égrégore, au niveau de la projection, pour arriver à une guérison par le plan psychologique. Mais ayez une raison intelligente de faire quelque chose, et ça va marcher. C'est pas coloré, terni, empoisonné, pollué par l'astral, à un moment donné, par l'émotion. Mais l'homme du Verseau aura une raison intelligente de travailler en collaboration. Mais il aura aussi une raison intelligente de créer cette ère du Verseau. Et l'intelligence a de différence avec l'émotion qu'il est implacable. C'est-à-dire qu'il ne peut pas connaître la diplomatie entre ce qui doit être fait et tout le reste. Il connaît l'écologie psychologique de la collectivité, donc il saura s'adapter. Mais ce qui doit être fait, doit être fait. On pollue, c'est stupide, on polluera plus. Pour l'instant, c'est pas le temps de placer un gouvernement intelligent à la tête d'une nation parce qu'il se devra d'être dictateur. Parce que le peuple n'est pas suffisamment intelligent pour accréditer qu'on dépense 3 milliards de dollars pour empêcher la pollution de l'atmosphère. On va dire, créons des emplois à la place. Parfait. Alors, bâtissons une autre usine qui pollue, mettons du monde là-dedans, puis là, l'électorat va être content. Mais on règle jamais rien. Alors, tant qu'on, évidemment, et ça, c'est pas la faute des gouvernements, c'est pas la faute de la population. C'est ça qui est le mot du problème, c'est que c'est pas la faute de toi, c'est pas la faute de toi, c'est pas ta faute, c'est la faute de personne, parce que c'est la faute de tout le monde. Étant donné que c'est la faute de tout le monde, c'est pas la faute de personne, on peut pas rejoindre ce tout le monde. On peut donc pas régler le problème. Et comme c'est ce tout le monde, parce qu'il est collectif, ce tout le monde, parce qu'il raisonne collectivement, de cette façon, il est stupide, pas l'être humain individuel, il est extrêmement intelligent, il a du potentiel incroyable. Mais la masse n'est pas intelligente, la masse, elle est assujettie. Elle est collée. Et cette masse élue, va voter un gouvernement qui va représenter la masse. Donc, on n'a pas de gouvernement intelligent. Et ce n'est pas la faute des gouvernements. Tout le monde est de bonne volonté, tout le monde est de bonne attitude, mais personne ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le problème du bon côté. Nous essayons de régler le problème en fonction du contexte psychologique. Cela veut dire que nous sommes 6 personnes qui allons voter un gouvernement. Et moi, j'ai des problèmes avec mes cochons, toi, t'as des problèmes avec ta pollution, l'autre, t'as des problèmes avec le prix de l'essence, l'autre, t'as des problèmes avec les hôpitaux. Et on vote un gouvernement qui dit qu'il va régler nos problèmes. Alors moi, mes cochons, ça va. Mais là, le gouvernement s'attaque à son essence. Alors, il va régler l'essence, il va augmenter un peu le prix pour pouvoir... Bon, mais moi, je veux pas. Moi, je commence à chialer parce que mon tracteur, j'ai besoin de mes cochons. Alors, lorsque, etc. Alors, ce qui fait que le gouvernement, une fois qu'il est en place, peut rien faire, parce que tout le monde, tout l'électorat est divisé en portions, et tout le monde s'entretue pour régler le problème d'une portion au détriment des autres, on n'a pas le choix. Parce qu'on ne voit pas la société comme elle devrait être, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas d'une façon psychologique, mentale, on la voit d'une façon psychologique. On voit la société comme étant quelque chose qui doit tout à l'homme. La société doit nous fournir. Fournissons la société pour qu'elle nous fournisse. Ah, OK. Mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas de compréhension intelligente de ce que c'est la société et on n'a pas de raison intelligente d'être dans une société. En avez-vous eu une raison intelligente de rester dans une société? Pas une raison psychologique. Dites-moi pas, où c'est que tu veux que j'aille? Non, c'est pas vrai. Il y en a plein qui partent ailleurs. Une raison intelligente d'être dans un cadre sociétaire. Mais trouvez-en une, trouvez-en deux, trouvez-en trois, vous allez essayer de chialer. Vous allez commencer à comprendre pourquoi il se passe des choses et vous allez être capable, à un moment donné, de faire en sorte de changer certaines choses. Et ça, ça va alléger le fardeau du bouleversement du verso chez vous. Et si vous me dites, ben oui, mais chez les autres, si moi on est 15, on est 20 chez les autres, c'est parce que vous avez une conscience collective si vous pensez comme ça. Et vous vous imaginez que tout le monde doit collaborer avec vous pour que ça marche. Mais les autres sont dans une conscience collective. Puis s'il y a personne qui monte à un moment donné pour le faire, ils le feront pas. Fait que si vous êtes dans la gang à attendre, ça marchera jamais. Il y a une bombe, il faut tomber sur l'eau, puis ils vont dire, bon, ça c'est fait. Ça va être la faute de l'homme, mais ça sera pas grâce à l'homme. Présentement, l'homme qui a des raisons intelligentes d'accomplir quoi que ce soit, peut le faire. C'est difficile. C'est difficile, c'est évident. Parce qu'on a une conscience collective qui a été habituée, éduquée, à ne pas être supérieur, à ne pas se voir supérieur, à ne pas s'imaginer supérieur, à se dire que tout est inventé et qu'on ne peut plus rien inventer, et à se dire qu'elle ne peut pas rien faire parce qu'elle est tout seule. Et ça, c'est le gros problème de l'éducation du poisson. Cela a été intelligent. Il y fut un temps où l'homme n'avait pas suffisamment d'intelligence. L'homme s'entretuait, l'homme s'entredéchirait. Et on a été obligé de passer par l'égrégore, l'esprit de groupe, pour créer une conscience collective, une religion, différentes philosophies, différentes nations, de créer des drapeaux, de cristalliser un égrégore de groupe, une conscience de groupe, pour que l'homme cesse de s'entredéchirer, pour que l'homme devienne une société, une collectivité. Cela a été nécessaire, mais présentement, l'homme se doit de revenir individuel, mais il va comprendre l'intelligence de la collectivité, pour pouvoir passer dans cette ère du verso. L'homme qui attend que les autres le fassent va voir sa vie placée entre les mains de tous ceux qui placent leur vie entre les mains des autres. Et ça, cela ne vaut rien. Et c'est parce qu'on est suffisamment d'êtres humains qui acceptons cette autre chose qu'elle se poursuit. Mais on a plusieurs personnes qui, présentement, sont marginales et ont un genre de vie. Certains payent pour l'instant. Plus on va être de personnes à être marginales, moins ça va coûter cher pour tout le monde, et plus on va commencer à changer des choses. Et ces choses, nous ne devons pas les changer parce que je le dis. Nous ne devons pas les changer parce que ça paraît beau. Nous ne devons pas les changer parce que on va peut-être moins souffrir, on va peut-être éviter une apocalypse. Ça, c'est psychologique. C'est pis c'est un. Et si on veut changer le monde, si on veut changer nous autres, parce qu'on commence à changer le monde par se changer nous autres, si on veut changer quoi que ce soit, parce que on a une idée psychologique à l'intérieur de ce changement, parce que c'est ça qui vient sous-tendre notre démarche, on va encore manquer notre coup. Ça va être de l'utopie. Ça va être des bonnes idées comme l'homme en a depuis 2000 ans, qui vont finir comme ça finit depuis 2000 ans. Alors donc, si l'homme a une raison intelligente, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une raison intelligente? C'est une raison qui prend en qui a connaissance des conséquences de ce que l'homme veut faire. Parlons d'un nouveau système d'éducation. J'expliquais lors de la conférence Soif de naître, peur de mourir, qu'à un moment donné, il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus de religion au niveau de l'ère du Verseau, parce que l'homme n'aura plus besoin de croire, l'homme saura. Donc, l'homme ne se réunira plus en groupe pour Christ, pour énergiser des plans. L'homme pourra directement entrer en contact avec ses plans. Et ce n'est pas de l'utopie, c'est de l'utopie pour celui qui se refuse de le faire. Celui qui se dit, ben voyons donc, moi je pourrais jamais le faire. Ben d'abord, comment tu fais pour truster un prêtre qui le fait? Oh, mais le prêtre, c'est une gang. Comment tu fais pour truster le pape qui le fait? Le pape, c'était un prêtre, c'était un homme, c'était un enfant, c'était un adolescent, c'était un adulte, c'était un travailleur. Ce fut un prêtre, ce fut un évêque, ce fut un archevêque, ce fut un pape. Alors, pourquoi qu'une personne sur la planète Terre peut le faire alors qu'il est parti comme tout l'homme part, comme vous êtes parti, et que vous autres, vous ne pourriez pas le faire? Pourquoi vous n'avez pas le droit à ça? Parce que la collectivité ne vous donne pas le droit. Parce qu'on ne vous a pas élu et qu'on ne vous a pas donné d'autorité. Ben, c'est l'homme qui donne autorité à l'homme. Alors, ça ne marche pas plus, d'abord, si on prend ces critères. Alors, pourquoi on peut croire un maître qui a la connaissance alors qu'on s'imagine que nous, on ne peut pas l'obtenir? Il n'y a personne de spécial. Il n'y a de spécial que celui qui désire embarquer sur le chemin. Et lui devient spécial. Mais tout le monde peut être spécial. Il est spécial parce qu'il est marginal. T'es un fou, comme on dit. Bon. Mais à un moment donné, tout le monde peut arriver là. Et ça, faut que le monde se le mette dans la tête. Que tout le monde peut le faire. Ça peut se faire comme ça. Ça peut prendre 10 000 fois ça. Mais ça se fait. Sauf qu'évidemment, la personne qui ne peut pas croire que l'homme peut arriver à penser des choses nouvelles. Ça, c'est un critère d'énergie supramentale qui tend à baigner l'homme. Penser à des choses nouvelles. Penser à du nouveau. Cela peut être coloré par la psychologie, donc cela n'aura pas nécessairement une texture d'illumination. Mais cela est un caractère d'homme nouveau. L'homme nouveau ne pense pas à des choses anciennes, puis l'homme ancien pense pas à des choses nouvelles. C'est évident. L'homme nouveau va penser à des choses nouvelles. Et le bouleversement du Verseau va être vécu par ceux qui déjà vivent l'apocalypse, par ceux qui déjà souffrent parce qu'ils ne veulent pas perdre. Tous ceux qui présentement ne veulent pas perdre ont peur du nouveau, ont peur de l'avenir. Ce sont des êtres pisciens. Et les élus, ce ne sont pas du monde qui un jour vont savoir un bat de baseball dans le front pour avoir une marque. Les élus, ce n'est pas des personnes qui sont attachées à un conférencier ou à un autre. Les élus, ce ne sont pas du monde qui prie un dieu plutôt qu'un autre, qui passe de porte en porte ou qui reste chez eux. Les élus, c'est simplement des êtres nouveaux. Et les êtres nouveaux, ce sont des êtres anciens qui vont cesser d'être anciens pour devenir nouveaux. C'est ça, des êtres nouveaux. Et c'est ça, des élus. On a un terme extrêmement vulgaire pour parler de ce genre d'homme nouveau, les élus, comme s'il avait été voté par quelqu'un. Bon, mais l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, ce sont des êtres qui ont comme caractéristique de penser à demain. Et il faut faire attention. Il y a une maudite différence entre penser à demain et s'inquiéter de demain. S'inquiéter de demain, c'est pisséen. C'est relié à l'ère du poisson. Et dans cette ère du poisson, on enseigne donc, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et cela s'adresse à des hommes qui souffrent. C'est pas à chaque jour suffit sa joie. C'est à chaque jour suffit sa peine. Et c'est authentique, c'est vrai. L'homme qui se complaît dans la souffrance ne doit pas souffrir demain puis hier puis aujourd'hui. Il ne pourra pas vivre. Mais il ne peut pas comprendre les mécanismes. Alors on essaie de le limiter dans sa souffrance évolutive, expérientielle, et à chaque jour suffit sa peine, à chaque seconde suffit sa peine. Mais de réfléchir dans une lignée de demain. Ce n'est pas s'inquiéter de demain, c'est construire pour demain. Et c'est extrêmement différent. Cela veut dire que l'homme vit dans le présent, mais que l'homme est conscient des conséquences qu'il fait. Et comment voulez-vous être conscient des conséquences de vos actes si vous n'étirez pas ça dans l'avenir? Vous prenez une boule de neige puis vous la tirez sur le capuchon de votre chum. Vous avez vécu, vous avez prévu dans l'avenir. Vous avez prévu que l'action que vous faites va donner un résultat particulier. Et lorsque l'homme s'évertue à fuir le raisonnement de l'avenir, pourquoi qu'il fuit le raisonnement de l'avenir, l'homme? Pas parce qu'il est incapable de raisonner dedans l'avenir. C'est difficile, ça demande un peu d'énergie, mais ça s'acquiert par la pratique. Pourquoi l'homme se refuse de voir l'avenir? Je parle pas de tirer aux cartes, ces choses-là. L'homme veut voir l'avenir, mais moi, j'ai déjà tiré aux cartes dans un marché aux puces, parce que mes poubelles se vendaient pas assez bien, alors j'ai tiré aux cartes, payé ma table. Et le monde venait me voir et me disait, j'accepte à la condition que vous me dites juste des bonnes choses. Ah, j'ai pas de problème, on dirait que des bonnes choses. Et c'est fréquent, et c'est extrêmement fréquent. Alors, ce n'est pas ce genre d'avenir de foutaise qui ne vaut absolument rien. Alors, vous êtes beau, vous allez tout gagner, c'est parfait, vous allez perdre 10$. Merci. Ça, là, l'homme recherche ce genre d'avenir, et c'est pour ça que l'astrologie fonctionne. On veut savoir ce qui va se passer, puis on n'y croit pas. La majorité de ceux qui lisent l'horoscope n'y croient pas. De ceux qui se font tirer aux cartes et qui payent cher n'y croient pas. Ben, ils disent qu'ils ne croient pas. Bon. Ils sont associés à un mécanisme psychologique qui tend à envoyer l'homme dans une démarche de recherche où il va trouver le paradis dans l'avenir. Mais merde, le paradis, il le vit. Il faut qu'il le crée, son paradis. Il faut qu'il le fasse. Là, c'est dans sa psychologie. Beaucoup plus que d'autres choses, mais pas dedans les tarots, dedans la boule de cristal, dedans je ne sais pas quoi. L'homme qui pense à l'avenir, c'est un homme qui se dit « Est-ce que je vais avoir un enfant ou non? » Si j'ai un enfant, cela veut dire telle chose. Mais l'homme n'a pas peur de l'avenir, parce que l'homme doit savoir qu'il est capable de régler tous les problèmes s'il envisage l'avenir. Faut pas que l'homme se dise « Maudit que je t'ai bien dans le passé. » Là, il réglera pas son problème. Il y a deux problèmes. L'homme doit penser dans l'avenir, pas rêver dans l'avenir. L'homme doit envisager l'action qu'il pose immédiatement, ce que vous vivez quotidiennement en fonction de votre avenir. Pas votre avenir pécunier. Ça a une importance, parce que c'est ça qui vous permet d'exprimer puis de créer. Puis de voyager puis d'apprendre puis tout ça. Mais pas un avenir juste comme ça, mais un avenir conséquentiel. Vous buvez, ça a des conséquences dans l'avenir. Vous pétez, ça a des conséquences dans l'avenir. L'avenir immédiat. Alors, ce qui fait que l'homme du Verseau n'a pas peur d'envisager l'avenir, mais il ne l'envisagera pas d'une façon totalement restreinte à lui-même. Mais il envisagera aussi cet avenir dans lequel il aura évolué. Alors, vous êtes extrêmement conscientisé, tout va bien, vous comprenez des choses, mais la société vous empêche d'être ce que vous voulez être. C'est pas compliqué, changeons la société. Oh, on a peur. Ah, oh, c'est pas des hommes d'avenir, des hommes du présent passé, même pas du présent. Parce que on doit transformer notre cadre d'évolution et on doit le créer pour alléger ce bouleversement du Verseau. Non. Parce que c'est intelligent de le faire, oui. Et ça, faut que l'homme comprenne l'intelligence, sinon, de toute façon, ça va se faire. De toute façon, cela va se faire. Présentement, on a des doctrines qui s'appellent, par exemple, socialistes, communistes, qui ne veulent pas être détruites. Et pour se préserver de la destruction, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien d'autre, sinon détruire tout ce qui peut les détruire. On a des doctrines chrétiennes. On a des doctrines démocratiques, capitalistes. On a des traditions de tous les ordres. Mais comment voulez-vous qu'un jour l'humanité s'entende si chacun veut conserver ses traditions archaïques? C'est impossible. Alors, cessons de rêver à un millénium, à un paradis terrestre ou à un air de paix après l'apocalypse. Si on ne veut pas tout balayer à un moment donné, mais balayer, ce n'est pas rien que par les armes. Cela va se faire par les armes parce que l'homme est suffisamment inintelligent, l'homme est suffisamment conservateur de ses traditions pour les défendre au prix du sang. Et c'est pourquoi l'homme a enseigné la paix par la guerre depuis que le Nazaréen lui a dit de vivre en paix. Parce que l'homme ne comprend pas l'intelligence de la paix, l'homme comprend ce que cela peut lui rapporter psychologiquement, la sécurité psychologique que cela lui rapporte, et l'homme, pour être en paix, prépare la guerre. Et cela a toujours été. Et ce n'est pas parce que cela fait 40 ans ou 45 ans qu'on ne vit pas de guerre de l'Holocauste que cela n'arrivera pas, parce que cela se prépare lentement, mais l'homme se mentalise suffisamment rapidement pour étirer ce temps. Et ce temps n'est pas nécessaire. Nous ne sommes pas obligés, ce n'est pas écrit, si c'est écrit, on ira l'effacer, puis on ira graver d'autres choses. Ce n'est pas nécessaire que l'homme passe par un apocalypse. Mais si on regarde, étudions brièvement l'hypocrisie du monde astral lorsque quelque chose doit se faire. Adolf Hitler a été amené à diriger le peuple allemand. Et à un moment donné, il a dynamisé son peuple d'une façon mystique, d'une façon religieuse, d'une façon nationale, d'une façon ésotérique avec la race aryenne, la race germanique. Et lentement, il a tout d'un coup balayé des pactes qui avaient été faits lors de la Première Guerre mondiale, qui obligeaient l'Allemagne à ne plus avoir d'armée solide, d'obligation au régime militaire et ces choses-là. À un moment donné, alors Adolphe décide de tout balayer ça et il réinstaure le militarisme obligatoire. Donc tous les jeunes devaient passer par l'entraînement militaire. Il réinstaure plusieurs mécanismes et lentement, il décide qu'il va entrer dans un territoire qui est occupé par la France, soutenu par l'Angleterre, et qu'il va, il dit à toute l'humanité que jamais il ne le fera. Il veut la paix, et c'est ce qu'il dit à tout le monde. Et dans les archives, après que les Soviétiques les forçaient à se suicider, on découvre que deux mois avant ce discours, il avait déjà demandé à ses généraux de préparer un plan pour envahir ce territoire. Donc, il était menteur. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'évidemment, tout le monde se dit que c'est impossible parce que l'armée française peut balayer l'Allemagne en un rien de temps. Adolphe amène ses soldats, ses vestes brunes, qui devaient justement manger une claque dernièrement au niveau d'une espèce de révolution populaire en Allemagne, et il fait une espèce de grosse fête, et il pénètre en fanfaron dans ce territoire occupé. Qu'est-ce que les Français font? Rien. Et à un moment donné, quand cela a été fait, il était un peu tard. Et l'Allemagne vient d'occuper un nouveau territoire. L'Allemagne a pris la Tchécoslovaquie après lui avoir juré de ne jamais la conquérir. Et les Français avaient dit à l'Allemagne et l'Angleterre avec qu'ils entreraient en guerre contre l'Allemagne si l'Allemagne embarquerait en Tchécoslovaquie. Jamais l'Allemagne irait en Tchécoslovaquie. Et à un moment donné, après plusieurs pour parler d'une partie de la Tchécoslovaquie qui, selon Adolphe, revenait à l'Allemagne, c'est vrai, cela avait été conquis lors de la Première Guerre mondiale, la France et l'Angleterre rencontrent le Führer et concèdent cette partie. La Tchécoslovaquie, d'accord. Et Adolphe leur dit, ça vaut plus la peine, je vais la conquérir. Ça frustre tout le monde et malgré ça, l'Allemagne conquérit la Tchécoslovaquie sans que personne ne fasse rien. Par après, l'Allemagne a continué à s'étendre sans que personne ne fasse jamais rien. Jusqu'au jour où l'Allemagne ne veut pas attaquer la Pologne. C'est évident que la Pologne ne sera jamais touchée par les forces hitlériennes. Et la France et l'Angleterre spécifient bien au Führer que si la Pologne est atteinte, ils vont se battre. Oui, oui. Ça fait quatre ou cinq nations, là. Petit pays qu'il conquérit, et on dit toujours qu'on va se battre. Il ne veut pas la guerre avec la France et l'Angleterre. Et la Pologne, jamais. Trois mois après, Varsovie capitule. La France entre en guerre contre l'Allemagne. Savez-vous comment l'Angleterre a commencé sa guerre? En bombardant l'Allemagne de tracts, de papier. Pour leur dire d'arrêter. Et lorsque l'Allemagne a pris la France, il n'y a pas eu de guerre en France. Paris ne s'est même pas défendu. Il n'a même pas été défendu par l'armée française. Et jusqu'à temps que l'Angleterre officiellement déclare la guerre et que certaines forces, on a certains présidents, Truman entre autres et d'autres présidents, qui ont forcé Guadalcanal à être bombardé par les Japonais et qui avaient été avertis de l'attaque imminente japonaise et qui ces personnages militaires n'ont jamais rien dit. Ils ont préféré que 2000 à 3000 soldats américains meurent, que la moitié de leur flotte s'enfonce sous l'eau, bombardé par les Japonais, parce que les États-Unis ne voulaient pas entrer en guerre. Le peuple était un peuple pacifique, il ne voulait pas entrer en guerre, mais il devait entrer en guerre. Alors, les présidents étaient suffisamment illuminés pour accepter qu'une grosse partie de leur flotte s'enfonce pour que le peuple se venge. Les États-Unis entraient en guerre et ont balayé l'Allemagne. Les Soviets prennent la Pologne, l'Afghanistan, prennent tout ce qu'ils veulent. Sachons que présentement, il se passe des choses, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et le bouleversement du Verseau peut être évité. Chez certaines personnes, de toute façon, on va y revenir à la deuxième partie. Merci beaucoup, Daniel. Et si les gens, si vous avez des interrogations, toute forme de bouleversement intérieur que vous avez présent, vous pouvez prendre des petits papiers en arrière, puis l'écrire lisiblement et laisser ici en avant. Je vous rappelle que la cassette de cette première partie est offerte déjà gratuitement avec l'achat du billet de la semaine prochaine. Et il y a aussi les gens qui seraient intéressés à des inscriptions pour les BMC au mois d'août, tout ça. Il y a une cassette gratis d'une demi-heure qui est donnée à ceux qui veulent plus d'informations. Merci bien.